sache qu'à partir de ce jour, le DUB reprend des fonctions. C'est des bas-fonds que ressurgissent vos compagnons de son. Les tout derniers survivants de l'école positive en action. Protection rapprochée, mental bien préparé, assez d'humilité pour pouvoir apprécier cette position privilégiée. Car le fait est qu'on s'adapte à toute forme de situation, prend position. Car le 514 demeure notre bataillon, même en haillons. On fera valoir nos opinions, le succès, le prestige, la gloire reste à nos yeux de simples illusions. Car l'intention est d'injecter à la population des doses d'espoir qui font croire et traduit cette profonde compassion. La condition, le respect doit s'avérer réciproque, vu que la Twitch déporte, mais si pique qui s'y frotte. J'écope d'ingratitude, les frères boutent dans leur attitude. J'en apprends tous les jours et ça me permet de prendre de la dose. Voici le dub, frérot, rallume ta radio. Ta radio anticléricistes qui implique en stéréo. En stéréo. Les latines du bon show, des lyrics pour les vrais accros. Les vrais accros, le monde est chaud. 1, 2, check du micro. Donc voici le dub, frérot, rallume ta radio. Ta radio anticléricistes qui implique en stéréo. En stéréo. Les latines du bon show, des lyrics pour les vrais accros. Les vrais accros, le monde est chaud. 1, 2, check du micro. Mentalité corsée pour les années triple zéro. Au TMCDIS au studio. Ajuste à stéréo, entends-tu l'écho? J'marche avec ceux qui ont le négro. Du hip-hop aficionado, ça sonne officiel son micro. Pour 2001 et plein d'espoir, dans la vie y'a peu de hasard. De vie qui sort du brouillard, entre le caviar et les ringards de cette industrie. Décidément on peut se dire, ils n'ont vraiment pas compris. Un son de guitare, une basse tombée sur le boulevard. Pour eux, j'reste, c'est bizarre quand j'pars. Le hip-hop, j'en mange en retenue, y'a pas de trêve, ça continue. Une étincelle, une voix qui m'est fidèle. J'ai 3 minutes et demie de texte sur papier, pas le temps de m'éparpiller. Une autre réalité, des rimes plein la tête. Près de moi, t'as plus mes doux sons. Si je rappe, c'est pour pousser les plus loin de mon voici le dub, frérot, rallume ta radio. Ta radio. Anticléricistes qui implique en stéréo. En stéréo. Les latines du bon son, des lyrics pour les vrais accros. Les vrais accros, le monde est chaud. 1, 2, check du micro. Voici le dub, frérot, rallume ta radio. Ta radio. Anticléricistes qui implique en stéréo. En stéréo. Les latines du bon son, des lyrics pour les vrais accros. Les vrais accros, le monde est chaud. 1, 2, check du micro. Le hip-hop, union des nations et les couleurs prend de la saveur. Mon style de vie, ma musique, loin d'être une mode fugitive. Double face et de la balle, verbalise un franc-franc. Adélie, on tanque sur les têtes. Le titre de Zola déjà dit, faux, ça fait un brin de faute. J'allume la mèche, rien que du bon son garçon. Allez, saute, saute. Pendant des pitres, je batte pour le titre. Je choque les puristes, je m'agrippe au beat. Anticipe pour un troisième chapitre. Chaque instant reste aussi magique. À la vie, à la mort, on reste des soldats du dogmatique. Alors bloc sur le son, un stock de vibrations. Le DUB revient pour animer la version. Bloc sur le son, un stock de vibrations. Les bad boys reviennent pour animer la version. Voici le dub, frérot, rallume ta radio. Ta radio. Anticléricistes qui implique en stéréo. En stéréo. Les latines du bon son, des lyrics pour les vrais accros. Les vrais accros, le monde est chaud. 1, 2, check du micro. Voici le dub, frérot, rallume ta radio. Ta radio. Anticléricistes qui implique en stéréo. Les latines du bon son, des lyrics pour les vrais accros. Les vrais accros, le monde est chaud. 1, 2, check du micro.